mes rêves, je dis pas même dans CIA. Sensible à la gâchette, je dis mes deux pas même dans CIA. Sensible à la gâchette, je dis mes deux morts, pas même dans CIA. Sensible à la gâchette, je dis même lui qui lui pas même dans CIA. Nous débarquons Canada, ça nous fait, ça nous fait. Nous crasons les zones. Bon, pas que le mort, pas que le cadavre, ça y Yo dit qu'on part en danger, mais la relève là, mais on voit à l'ostup, la guerre nucléaire. Haïti, d'un pour yon film pas boy tout bon c'est Bang Bang New York. Mais pays m'payons, ça t'es pas un jouet avant Bang Bang.